c'est compris. C'est compris. On met ta prod la drill. On met l'approche la drill. On met l'approche la drill. J'fais de la drill. J'ai la prise compris là. J'fais de la drill. Peut-être mes cracks comme crill. Dans mon coin j'observe, j'te baise, j'écoute pas tout ce qu'on me dit. La fouca balèze. Mon bigo qui reste. J'ai l'identité du rebeu qui conduit le RS3. Y'a plus de conso, ta foi suggérée l'olive. On a plus l'âge fumé de la caille. Riche et jeune qui pèse des mifs. J'demande plus le prix, juste ma taille. Que du jack, c'est le jab qui t'assure. Qu'est-ce que t'es pour l'été, pas de ceinture. Pas de jaloux, je m'en fous qu'on me la prenne. Elle est bonne, je la baise, même la prenne. Hornet H, tu sais qu'on fait tâche. Des terres comme les corps. Eh oui, ma gueule, j'sais qui me déteste aussi. Hornet H, tu sais qu'on fait tâche. Des terres comme les corps. J'sais qui me déteste aussi. J'suis pas de la hype, non, non, j'suis bien de la R. Ça vend du shit pour les en grosse voiture. Famille nombreuse élevée au coup de ceinture. On tient le terrain, faut que ça dure. On tient le terrain, faut que ça dure. J'suis pas de la hype, non, non, j'suis bien de la R. Ça vend du shit pour les en grosse voiture. Famille nombreuse élevée au coup de ceinture. On tient le terrain, faut que ça dure. On tient le terrain, faut que ça dure. Tu connais le pédigré. PDP que des fils d'immigrés. La salaire est pure, la salaire est dure. J'pars haut dans la vie, j'fais serre en voiture. Ils m'ont eu sa mère la pute, pute, pute. J'ai essuyé plus de 200 filatures. Et sur le rinté, j'mets le but, but, but. Elle veut payer la salaire en nature. J'lui dis c'est impossible. Beaucoup mico, j'suis pris pour cible. À la rate, j'fume tes pètes dans la coursive. Projection, j'finis ivre. Dehors ou dedans, on sait comment vivre. C'est un petit pépin. Comme une bougie, j'l'éteins. J'ai toutes ces salopes, salopes, salopes. J'les vois comme des teintes. J'suis au quartier toute la night, j'ai de la white et j'la revends. Les petits sur les crosses quand y'a les cops que ça les nargue. En levant, j'me suis envoyé, je rentre tard, j'me couche au soleil levant. J'suis pas de la hype, non, non, j'suis bien de la R. Ça vend du shit pour les en grosse voiture. Famille nombreuse élevée au coup de ceinture. On tient le terrain, faut que ça dure. On tient le terrain, faut que ça dure. J'suis pas de la hype, non, non, j'suis bien de la R. Ça vend du shit pour les en grosse voiture. Famille nombreuse élevée au coup de ceinture. On tient le terrain, faut que ça dure. On tient le terrain, faut que ça dure.